Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 621 sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Nous sommes le 18 décembre et c'est la dernière émission de l'année, puisque le 25 décembre, je vous laisserai en famille et puis moi aussi, si vous le voulez bien. Et le 1er janvier, on fera la même chose, ça tombe un mercredi, pas de chance. Enfin, si, c'est bien pour vous, c'est bien pour moi, donc on se retrouvera l'année prochaine. Pour l'instant, l'album de la semaine, c'est Ringo the Fourth de Ringo Starr en 1977. Ça n'est pas son meilleur album, mais vous allez voir qu'on peut trouver des titres sympas. D'ailleurs, il y en a au moins un que je passe régulièrement dans la saga. Vous le reconnaîtrez tout à l'heure. C'est un album proposé par Jean-Marcel Jeunesse, qu'on remercie, parce que vous pouvez le faire, hein, vous pouvez dire, et si on écoutait tel album la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ça dépend de l'actualité, ça dépend de mes possibilités, eh bien, faites-le, demandez-le, et puis vous verrez bien. L'album donc s'appelle Ringo the Fourth, on écoutera Drowning in a Sea of Love, Simple Love Songs, Song sans S, It's No Secret, Wings, Give It All Up, et pour la fin, un truc très disco et discutable. Can she do it like she dances? Ça veut dire, est-ce qu'elle peut le faire comme elle danse? Des sous-entendus, on dirait, un truc comme ça. Bon, il y aura aussi quand même du McCartney, du Harrison, du Lennon et des Beatles. Pour McCartney, ce sera Every Night sur l'album McCartney en 70. George Harrison nous chantera Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll sur All Things Must Pass, la même année, en 70. Quant à John Lennon, ce sera un an plus tard, un single en 71, Power to the People. Voilà. Et puis les Beatles, ce sera Obladi, Oblada, Life Goes On, Brah, etc. Vous nous retrouvez sur Facebook parce que ça fonctionne cette semaine dans le groupe La Saga des Fab Four et on se retrouve tout au long de la soirée jusqu'à 22h, peut-être une petite virgule à peine, mais bon. Allez, bonne soirée à vous tous et toutes. On commence tout de suite avec Ringo Starr, Drowning in a Sea of Love sur RIG. un album qui n'a pas forcément bien vieilli, hein, en 1977, Ringo Starr, Ringo the Fourth. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, revenons en 1970 pour la chanson suivante, ce sera Every Night de Paul McCartney. À cette époque-là, rappelez-vous, 1969, ils enregistrent d'abord Let It Be, et puis pour des raisons complexes, Let It Be reste dans les placards. McCartney essaie d'entraîner les autres en disant « Allez, on en fait un dernier, on en fait un dernier, et ce sera Abbey Road qui sortira avant Let It Be, justement, à cause de cette mise en placard. » Et tout le monde s'est dit, hein, depuis cette époque-là, ils savaient que c'était le dernier album Abbey Road. Eh bien non, on a découvert récemment une conversation sur bande magnétique, je crois, un truc enregistré, comme quoi ils voulaient éventuellement faire encore un album. En tout cas, toujours est-il que Ringo Starr était parti faire son album à lui, l'album Sentimental Journée. George Harrison lui était très content de se mettre en studio pour nous sortir son monument All Things Must Pass. John Lennon nous préparait l'album Plastic Ono Band. Alors McCartney, qui avait été celui qui avait tenté de garder les Beatles ensemble, au bout d'un moment dit « Ouais, allez, j'en ai marre, je lâche ». Il avait préparé des chansons pour les Beatles, et ça s'entend dans celle-ci que nous allons entendre, comme Every Night, qui aurait pu sortir sur un album des Beatles sans aucun problème. La voici sur McCartney en 1970. Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in and be. And be with you. C'était la version 2020 pour les connaisseurs qui arrivent à repérer qu'il y a un son différent, un son nouveau, des chœurs qu'on entend un peu plus, en tout cas dans la chanson. Pour celle qui suit, c'est Power to the People de John Lennon. C'est paru en single en mars 1971. Il s'agit d'une de ses premières chansons politiquement engagées, ce que n'aimait pas justement Paul McCartney. Il voulait qu'on reste entre deux lignes, quoi, qu'on ne donne pas forcément notre avis. Et l'une des plus virulentes. Elle est composée au mois de janvier précédent à la suite d'une interview donnée à une revue d'extrême gauche, Red Mall, durant laquelle John a déclaré qu'il fallait donner le pouvoir au peuple. La chanson, enregistrée en février 1971 dans les studios Ascot de la demeure du musicien, est conçue comme un hymne facile à reprendre qui montre un Lennon beaucoup plus prompt à s'engager qu'il ne l'avait été dans Revolution. Il y pose également les bases de son engagement nouvellement féministe. Les prises de position ont cependant été relativisées par la suite. La chanson, publiée uniquement en single en mars 71, atteint la 7e place dans les charts au Royaume-Uni et la 11e aux États-Unis, où il devint disque d'or. La chanson apparaît pour la première fois en album sur la compilation Shaved Fish en 75 et puis sur plusieurs autres. Elle donne notamment son nom à un album paru en 2010, Power to the People, The Hits. Elle a également été reprise par un bon paquet d'artistes. Vous voulez avoir la formation à cette époque-là pour ce 45 tours. John Lennon, bien sûr, chant, guitare, piano. Klaus Voormann, le pote, à la basse. Billy Preston, au piano, au clavier. Et après, Jim Gordon, qui a fait partie de l'univers des Beatles. Et Bobby Keys, là, je suis moins sûr. Encore que, ça se trouve, il est très connu. Voici la chanson « Power to the People » sur RIG. Power to the people. début de cette émission. Nous avons écouté l'album de la semaine, l'album Ringo the Fourth et la chanson Drowning in a Sea of Love. Ensuite, il y a eu Every Night par Paul McCartney. George Harrison nous a chanté Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. C'est ça le titre. Et puis à l'instant, John Lennon, Power to the People. Avant d'écouter Obladi Oblada par les Beatles, je vous propose trois sites qui vont vous aider à tout savoir sur les Beatles. Les deux premiers sont français, le troisième est anglais, donc plus international. Encore que, on parle, la francophonie est assez répandue dans le monde. Bon, le premier site c'est Maca Club. Maca Club que vous pouvez retrouver sur le net et également sur Facebook, une page Facebook. On parle bien entendu de McCartney qui est d'actualité puisque là il va faire l'avant-dernier, je crois, de ses concerts à l'O2 à Londres. Donc si vous y allez, ben, j'espère que ça va être drôlement bien parce que je vous assure que les critiques sont unanimes. Cette année, il avait une voix tout à fait correcte par rapport à ce qu'on a pu entendre. Alors certains l'ont entendu en 2018, moi je l'ai entendu en 2016. Je pleurais. Non, je pleurais pas, mais j'avais de la peine pour Paul McCartney. Et j'ai failli rater ce McCartney de cette année. Je suis content d'y être allé, franchement content parce que c'était très très très bien. Je vous convie à y aller si vous êtes dans le coin. Bon. Et ça, c'est pour Maca Club. Pour les Beatles en général et aussi sur McCartney, bien sûr, il y a yellowsub.net que vous retrouvez sur le net et sur Facebook, une page très très bien fournie. Et puis, il y a le site de Lovely Rita. Mais vous me posez la question à chaque fois et je vous réponds, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc. Faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Puisqu'on parle de live, souvenez-vous, lorsqu'il l'avait chanté en live, ça avait marché du tonnerre cette chanson-là. RIG 90.7, la radio des Beatles. Oh, that time goes on, round, la la la.

des chefs-d'œuvre pour la route, sorti en 2023, il y a un an déjà. Ça passe très très vite. Tous les chœurs, toutes les voix que vous entendez ne sont pas trafiquées. L'intelligence artificielle a isolé la voix de John Lennon. Et en gros, elle a dit, ça, c'est la voix de John Lennon, ça, ça n'est pas de la voix de John Lennon, on l'enlève. Donc, c'est bien la voix de John Lennon, pas un trafic de l'intelligence artificielle. Les chœurs que vous entendez sont bien des Beatles, ils ont pris une partie de Eleanor Rigby, une partie d'un autre, peut-être de Because, ou je ne sais plus trop quoi, pour former un nouvel air, donc c'est bien les Beatles qui jouent. La guitare, c'était bien George Harrison, et la guitare solo, c'est Paul McCartney qui a fait un solo en imitant un peu George Harrison, mais c'est McCartney. Et dans les voix, il y a Ringo Starr et Paul McCartney qu'on entend sous la voix de John Lennon. Bref, c'est donc bien un disque des Beatles, un disque... C'est spécial les Beatles, hein. Voilà, même mort, il arrive encore à nous faire quelque chose de très très bien. Merci John Lennon, merci Paul McCartney, merci George Harrison et merci Ringo Starr. On est dans la période de Noël, c'est la dernière émission de l'année. Je vous propose une petite chanson de Noël que Paul McCartney a fait en studio en plein mois d'août alors qu'il faisait une belle belle chaleur. Il a eu envie de faire une chanson de Noël. Voici Wonderful Christmas Time sur RIG. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay. John Lennon sur RG dans la saga des Fab Four, jamais meilleur que lorsqu'il joue au rocker. Stand by me. Certains ont cru, comme moi à l'époque en 75, que cette chanson était de John Lennon. Eh bien non, ça n'était pas de John Lennon, c'était une reprise. Dans un peu plus d'une heure, une heure et quart à peu près, il y aura Johnny de A à Z avec Eric. Ce sera une rétrospective de toutes les sorties musicales sur Johnny Hallyday chez Universal et Warner en 2024. Il compte sur vous. J'espère que vous serez là et que vous serez bien présents à partir de 22h02. Allez, on revient sur l'album de la semaine, l'album Ringo the Fourth. Je vous ai dit sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, que vous alliez reconnaître cette chanson. C'est celle que je passe de temps à autre, l'une des meilleures de cet album, qui n'est pas un très bon album, un album qu'on n'est pas obligé d'acheter. Même si, voilà, dans chaque album des Beatles après la séparation, il y a toujours des perles comme celle-ci, It's No Secret. Lately, I've been so crazy. I need to talk to you. to be. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Chanson qui a mis en pétard Paul McCartney parce que lui, son idée d'album, c'était Get Back, c'était revenir à ce que seuls les quatre musiciens peuvent faire en studio sans re-enregistrer, donc la simplicité. Et sans lui avoir demandé son accord, Phil Spector, qui a produit cet album-là, a rajouté force, violon et voix. Attention, moi je trouve ça très très beau, mais ça n'est pas ce que voulait Paul McCartney. Donc il se vengera plus tard avec l'assentiment de Ringo Starr et puis également des ayants droit de Harrison et de Lennon en sortant Let It Be Naked, qui est ce qu'il aurait voulu au départ. Mais il faut reconnaître que les deux versions sont bonnes. La version de l'histoire, c'est celle que vous venez d'entendre. Et la version qu'aurait voulu Paul McCartney, c'est celle qu'on entendra lorsque sortira l'album en 2006, si je me trompe pas. L'album Let It Be Naked. 2003 peut-être. Ah, il va falloir que je vérifie. Bon, c'est la période de Noël, donc Happy Christmas. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. Sorti en 1971 également en single Happy Christmas, War is over if you want it. Ça, c'est Paul McCartney, une face B. En 1993, face B de Off the Ground, le single. chanson fort sympathique de Paul McCartney en 1993. Il aurait pu la chanter sur scène à l'époque parce que le ça aurait été repris par tout le monde, ça aurait été quelque chose de très très très sympa. Mais ça n'a pas été le cas, alors pas de regret. Je vous dis, depuis que j'ai revu Paul McCartney, j'ai une nouvelle façon de penser à Paul McCartney. Je me dis, il chante toujours les mêmes chansons, eh bien il a raison. Parce que les 40 chansons qu'il nous chante, ou un peu moins de 40 chansons, elles sont impeccables. Il n'y a pas une chanson que l'on ne connaît pas, nous, les fans des Beatles, des Wings et de Paul McCartney. Donc c'est un show absolument merveilleux. Allez, on fait un retour du côté, pour la quatrième fois, du côté de l'album Ringo the Fourth, de Ringo Starr forcément, en 1977. Cette chanson-là, Wings, aucun rapport avec le deuxième groupe de Paul McCartney, est sortie en 45 tours en 1977, mais a été rechantée, refaite, pour l'album studio Ringo 2012. La version, c'est presque la même. Non, c'est un peu plus 2012 que 1977, mais bouf, ça casse pas les briques, comme cette chanson-là. Oui, c'est un album que je n'apprécie pas tellement. Wings sur RIG. If I had the wings of an eagle, over these broken dreams I would fly. If I could be shot like an arrow, straight to you in your arms I would lie. Don't you know I love you? Don't you know I love you so? If I had the strength of a lion, there'd be no one to keep us apart. If my voice could crack just like thunder, shout what I feel in my heart. Don't you know I love you? Don't you know I need you so? Need you so much. The melody's coming in clear, so clear. And with your touch, the music keeps going. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois leur carrière solo engagée, même si eux-mêmes faisaient déjà la reprise de quelqu'un, comme Chuck Berry par exemple, ou qui que ce soit, Cole Porter, ou voilà. Eh bien, là, c'est un chanteur connu, ou vous, si jamais vous me proposez une chanson, chantée donc par John, Paul, Ringo ou George à un moment donné de leur vie, Et là, c'est un groupe connu, un groupe de musiciens de studio au départ qui se sont réunis avec un nom improbable puisqu'il s'agit du groupe Toto qui nous reprennent la chanson With a Little Help from My Friends sur RIG. En live en plus. Yeah. Allez, on va arrêter là parce que ça dure encore et on va finir par être en retard. C'était Toto qui reprenait une chanson de Joe Cocker, qui reprenait une chanson des Beatles. Nous sommes d'accord. Good. Don't you think? Little things you say and do make me want to be with you too. Raymond, it's a crazy feeling, and I know it's got me really when you say I love you, Raymond, to me. The way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight, Raymond, it's a crazy feeling, and I know it's got me really when you say I love you, Raymond, to me. Raymond, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling. I'm so glad that you're revealing your love for me. Raymond, Raymond, tell me, not to be lonely, tell me you love me only, Raymond, to me. Cette chanson-là, vous la retrouvez sur l'album de Danny Lane qui s'appelle Holidays, sorti un album de cover de Buddy Holly, sorti en 1977. Il avait demandé un coup de main de Paul McCartney qui y a fait avec un grand plaisir. The light that has lighted. Quelle magnifique chanson, dit Stella sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et elle a raison, je lui donne raison. C'était George Harrison, The Light That Has Lighted the World, sur l'album Living in a Material World, en 1973. On revient une avant-dernière fois sur l'album de la semaine. L'album, c'est Ringo the Fourth. Et le titre que je vous propose, c'est Give It All Up, sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Thank you. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Patience, patience. Seen it on TV. I got quite a lot more room dancing. quelqu'un rentre. Non, c'est la chanson de Joyeux Noël de George Harrison en 1974 sur l'album Dark Horse. On n'arrête plus parce que on va être obligé même d'enlever des chansons. Dernier extrait de l'album de la semaine. Est-ce qu'elle peut le faire aussi bien qu'elle danse? Can she do it like she dances? C'est Ringo Starr sur RIG. Plutôt le Happy Christmas de Ringo Starr. Le voici, Christmas Time is Here Again sur RG en 99 sur l'album I Wanna Be Santa Claus. Christmas time is here again. peace and love, everybody. You know it makes sense. Peace on earth. Minutes, mais à peine plus de 2 minutes, on accueillera Eric et Johnny de A à Z avec une rétrospective de l'année 2024. Mais on se quitte avec de l'amour. All you need is love, les amis. Say, but you can learn how to play the game. Sur Love is All You Need, qui est le message quand même des Beatles depuis le début. Je vous laisse entre de très bonnes mains et il va vous répandre de l'amour lui aussi. C'est Eric dans quelques instants pour Johnny de A à Z. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, le 25 décembre. On ne se retrouve pas la semaine suivante, le 1er janvier. On se revoit le 8 janvier. Passez de très très bonnes fêtes et à l'année prochaine. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 621. À très bientôt et merci d'être là les amis. Merci, à bientôt.